بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On est arrivé donc dans le livre المختصر التعليق المختصر المبين على قرة عيون الموحدين. Le livre de قرة عيون الموحدين qui est une explication de Kitab al-Tawhid du Sheikh Abdurrahman ibn Hassan. Et le commentaire qu'on lit maintenant, c'est celui de Cheikh Salah al-Fawzan sur ce livre-là. Et donc, on est arrivé au point où le Cheikh explique, hein, comme on expliquait au dernier cours, le testament du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a laissé, comme Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu qui a dit, celui qui veut voir le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'il a, sur lequel il y a son sceau, qu'il lise les versets de 151 à 153 dans Sourate Al-Ma'idah, dans Sourate Al-An'am. Et ces versets-là, on les a lus, ça commence par « قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ » « قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُوا عَلَيْكُمْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ » Et les premiers versets, le premier point qui était mentionné dans ce verset-là, c'était la question de ne pas adorer excepté Allah. قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Donc, on va lire donc à partir de ce point-là. وَقَوْلُهُ الَّتِي عَلَيْهَا خَاتِمُهُ شَبَّهَهُ بِالْوَصِيَّةِ بِوَصِيَّةٍ كُتِبَتْ فَخُتِمَتْ أي فَلَمْ تُغَيَّرْ ولم تبدل. أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله إلى أن توفاه صلاة الله وسلامه عليه. Donc le cheikh il dit que cette wasiya, ce testament, il a été c'est comme si c'était un testament, ces versets, les 10 commandements qui sont mentionnés dans ce verset, dans Surat Al-Ma'idah, c'est comme le testament que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait laissé pour sa umma et sur lequel il aurait mis son sceau. Et on met le sceau, comme le cheikh il dit, pour préserver et protéger. Et aussi, il dit donc, لِأَنَّ الْوَصِيَةَ إِذَا خُتِمَتْ. Cheikh Al-Fawzan il dit, لِأَنَّ الْوَصِيَةَ إِذَا خُتِمَتْ مِنَ الْمُوصِي ثَبَتَتْ أَنَّهَا لَهُ فلا يستطيع احد ان يزيد او ان ينقص. Une fois que quelqu'un a mis son sceau sur une lettre, sur un message, eh bien ça garantit, et ça confirme que ce message là vient de lui, et personne ne peut donc ajouter quelque chose ou enlever quelque chose à ce testament là. Et il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu donc appeler sa umma depuis le début de sa mission, quand Allah l'a envoyé comme prophète, jusqu'à sa mort sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu appeler sa umma à ce qui est mentionné dans ces dix commandements là dans les trois versets de Surat Al-Ma'idah. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan à ce sujet là il dit, wa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam awsa bil kitab wa sunnah كما قال إني قد تركت فيكم الحديث والله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما وقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وهذا يشمل الكتاب والسنة. السنة منزلة من عند الله والذي يريد النجاة يتبع الكتاب والسنة ولا حاجة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب وصية بل يكفي ما في الكتاب والسنة لمن أراد الله له الهداية والخير والله سبحانه وتعالى أمرنا عند التنازع بالرد إليها فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإلى الله يعني القرآن وإلى الرسول يعني السنة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, par rapport à ça, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné comme testament, ou il nous a enjoint de suivre après lui le Coran et la Sunna. Comme il l'a dit dans le hadith qui est célèbre, j'ai laissé parmi vous deux choses, et vous ne serez jamais égarés tant que vous les suivez. Le livre d'Allah et ma sunna. Hein, kitabullah wa sunnati. Et il dit, Wallahu azza wa jal, yaqul. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 153 dans Surat al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul. Hein, et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers. Et il dit dans l'autre verset, Surat al-A'raf, le verset 3, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Et suivez ce qui a été révélé sur vous de la part de votre Seigneur. Et ça, ça comprend le Coran et la Sunna. Donc la Sunna, elle aussi révélée de la part d'Allah, comme le Coran. Hein? Et celui qui veut le salut, il doit suivre donc le Coran et la Sunna. Hein? Et donc il n'y a pas de besoin, on n'a pas vraiment besoin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous laisse un testament quelconque, autre que le Coran et la Sunna, puisque tout ce qu'on a de besoin est dans le Coran et la Sunna. Donc le Coran et la Sunna nous suffit. Hein, il suffit à quiconque yani veut la guidance et le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné, lorsqu'il y a un désaccord entre nous, de ramener ce désaccord au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est mentionné dans le verset 59 dans Surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager. Et le renvoyer à Allah signifie le renvoyer au Coran, et le renvoyer au messager signifie de le renvoyer à la sunna après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ensuite le cheikh il explique, il dit, cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit rahimahullah, wa qad qala mafruq sayyid bani Shayban, mafruq sayyid bani Shayban في دعوته صلى الله عليه وسلم القبائل في مواسمهم وإلى ما تدعو إليه يا أخا قريش فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى ما تضمنته هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآيات. Donc le cheikh il explique ici que Mafruq, le chef de la tribu de Bani Shayban, lorsqu'il est venu parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué sa da'wah, lorsqu'il parlait aux différentes tribus pendant les périodes de Hajj, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ô toi frère de Quraysh, à quoi appelles-tu? À quoi invites-tu? Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quoi invites-tu, ô toi frère de Quraysh? Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui récitant les versets de Surat Al-An'am, 151 à 153. Il dit, il lui a cité le verset, dit, venez, je vais vous réciter, dit au Mohammed, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Et la première chose, c'est que vous n'associez rien avec Allah. Hein? Et il dit jusqu'à la fin des versets, de ces versets explicites et clairs, et tout ce qu'ils contiennent comme ordre et interdiction, dans la suite de ce qu'ils comprennent. Et puis après, il a dit, de la même manière que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de son bien-aimé Ibrahim, Al-Khalil. Ibrahim alayhi salam. Qu'est-ce qu'il dit dans Surat al-Baqarah, les versets 131 à 132 qu'on a lu justement tout à l'heure dans le Kitab al-Ubudiyya. Et lorsque son Seigneur lui dit, soumets-toi, accepte l'islam. Et il dit, j'accepte l'islam, je me soumets au Seigneur de l'univers. Et il a enjoint cela, il a enjoint l'islam à ses fils, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam a enjoint cette religion de l'islam à ses fils Ya'qub, hein, à ses fils et à Ya'qub, hein, Jacob, il a dit oh mon fils, Allah a choisi pour vous la religion, c'est-à-dire l'islam, alors ne mourrez pas excepté en étant musulman, et ainsi que la suite des versets 131 à 132 dans Surat Al-Baqarah. Donc Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires sur ces points-là. Le premier point qu'il mentionne, c'est, il dit, « لِأَنَّ اللَّهَ » par rapport à la question de Mafrouq, Sayyid ou Bani Shayban, quand il lui a dit « À quoi invites-tu ?» il lui a cité les versets de Surat Al-An'am, et le Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet, لأن الله عز وجل ذكر قبل هذه الآيات ما تخبطت فيه الجاهلية من التحليل والتشريع بغير علم ثم قال لنبيه قل تعالوا أي أقبلوا علي أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي أقرأه فالإنسان لا يحلل ولا يحرم من عند نفسه وإنما يحلل ما أحله الله ويحرم ما حرمه الله وهذا هو المسلم الحقيقي. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans ces 10 versets, dans ces 3 versets les 10 commandements dans lesquels il mentionne dans ces versets là et le cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne cela. Et les versets qui sont mentionnés avant le verset 151, c'est des versets qui montrent comment les gens de la Jahiliya, les mushrikin, avaient joué avec les aspects de la législation et de la religion en rendant halal et haram des choses selon leur passion. Donc ils permettaient certains animaux et ils interdisaient d'autres animaux, yani selon leurs coutumes, selon leurs traditions, selon leur passion et leur désir, en suivant les législations du shaitan. Donc certains animaux c'était pour leurs idoles et d'autres c'était pour certains idoles et d'autres c'était pour eux ou des, yani, ils jouaient avec la religion. Et donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, dit au Muhammad, venez, je vais vous réciter et vous lire ce que votre Seigneur vous a interdit. Hein? Qu'est-ce qu'il a rendu haram pour vous? Et donc, c'est comme si pour dire que l'être humain ne doit pas rendre halal ou haram des choses de lui-même et décider par lui-même qu'est-ce qui est licite ou illicite. Mais c'est uniquement Allah qui a le droit de rendre halal ce qui est halal et de rendre haram ce qui est haram. Et ça, c'est l'attitude du vrai musulman. Il rend halal ce que Allah a rendu halal et il rend uniquement haram ce que Allah a rendu haram. Hein, ça c'est le vrai musulman. Après, il dit le cheikh à propos de cette question-là, des versets qui sont mentionnés dans Surat Al-An'am, il dit kulluha amrun wa nahyun. Amrun bit-tawhid wa nahyun 'an ash-shirk, amrun bil-'adl wa nahyun 'an al-jawr. Donc tout ce qui est mentionné dans les trois versets de Sourate Al-An'am, 151, 152 et 153, c'est des ordres et des interdictions. L'ordre d'unifier Allah et d'établir le tawhid et l'interdiction de faire le shirk. L'ordre d'être juste, de faire preuve de justice. Et donc dans Sourate Luqman, il y a aussi, comme le frère il mentionne, l'exemple de Luqman et les conseils qu'il a donnés à son fils. Et la première chose qu'il lui a indiqué dans ces commandements-là, c'est de tawhid. Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Le shirk, c'est la plus grande des injustices. La plus grande des injustices. Et donc, il y a d'autres versets comme ça. Donc ça, c'est le verset dans Sourate Al-An'am. Puis le point ensuite que le cheikh a mentionné à propos de qu'est-ce que le cheikh a cité des versets de 131 et 132 dans Sourate Al-Baqarah, à propos d'Ibrahim alayhi salam et de ses fils, أي أن إبراهيم ويعقوب عليهما السلام وصيا ذريتهما بالتوحيد إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بالتوحيد. Donc de la même manière que Ibrahim et Yaqub avant leur mort ils ont laissé comme testament à leurs enfants après eux de rester accrochés au tawhid et à l'unicité d'Allah et de ne rien associer avec lui et de s'accrocher à l'islam, hein, il leur a dit Allah a choisi pour vous la religion de l'islam, alors ne mourrez qu'en étant soumis à Allah, en étant musulman. Et donc la même chose, hein, c'est la même chose que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé pour sa umma comme testament, c'est-à-dire de rester accroché, hein, au tawhid aussi. Il dit wa amma hadith Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, Ibn Amr ibn Aws al-Khazraji Abu Abdurrahman alim fil ahkam radiyallahu anhu ibn Amr. Donc c'est Mu'adh ibn Amr, Mu'adh ibn Jabal ibn Amr ibn Aws al-Khazraji Abu Abdurrahman عالم في الأحكام مات عام 18 هجريا وقال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فساقه المصنف يعني ساق الحديث رحمه الله وهنا ساق الحديث هنا لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت وذكر قوله وذلك قوله فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Donc dans le hadith de Mu'adh, ici le cheikh il dit que Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, le cheikh il a cité son hadith à ce sujet là et c'est le hadith dans lequel il était à Dodane avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oh Mu'adh, est-ce que tu sais ce qu'est le droit d'Allah sur ses serviteurs et ce qu'est le serviteur, ce qu'est le droit des serviteurs, que le droit que les serviteurs ont sur Allah? Sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit que les serviteurs ont sur Allah? Alors Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu a dit يعني الله ورسوله أعلم. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit le droit que Allah a sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul et qu'il n'associe rien avec lui. Et le droit que les serviteurs ont sur Allah, c'est que il ne va pas les châtier lorsqu'ils ont respecté son droit. Et donc ça c'est le hadith qu'il a rapporté. Et pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a cité ce hadith là, dans ce chapitre à cet endroit là, après avoir mentionné le hadith, la parole de Abdullah ibn Mas'ud au sujet des versets de sourate Al-An'am, il dit c'est parce que dans ce hadith là de Mu'adh ibn Jabal il y a yani on voit la signification des versets qui ont été mentionnés dans Surat Al-An'am, c'est-à-dire que le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul et qu'il n'associe rien avec lui, comme c'est mentionné dans le verset, وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشِرْكُ بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et n'associez rien avec lui, comme c'était mentionné dans le verset aussi, verset 36 dans Surat Al-Nisa. Bon, par rapport à qu'est-ce qui est mentionné dans ce hadith-là, premièrement, le cheikh il dit à propos du fait que Mu'adh, son nom c'est Mu'adh ibn Jabal ibn Amr ibn Aws al-Khazraji. Ok, donc Mu'adh ibn Jabal, son nom c'est sa kunya c'est Abu Abdurrahman, et il dit il était un savant dans les règles de la religion. Alimun bil-ahkam, c'est un des savants de la Ummah, Mu'az, un des savants parmi les Sahaba. Il est mort en l'an 18 après la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est mort en l'an 18. Et il dit, j'étais à Dodan en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était le compagnon de monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit ay raqibun ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala himar li'annahu yajuz al-irdaf ala ad-dabbati idha kanat tatiq dhalik. Il dit donc il était à monture avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Donc ça c'est la preuve qu'il est permis d'avoir un passager sur une monture, sur un animal, si l'animal est en mesure de le supporter. Si l'animal est en mesure de le supporter. Parce que si c'est un animal qui n'est pas fort ou qui n'est pas capable de supporter, dans ce cas-là, ce n'est pas permis. Mais si l'animal il est assez fort et qu'il est capable de le supporter, dans ce cas-là, c'est permis. Oui, les chevaux et les mulets. Donc, le himar, c'est une mule. Ouais, c'est ça. Ouais, l'âne, hein? Ok. Donc, c'est ça. Donc, ici, étant donné qu'on n'a pas souvent des mules, on utilise des termes un petit peu comme si c'était des synonymes. L'âne, la mule. Bon. C'est-à-dire que. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça aussi? C'est que. Donc, premièrement, on a le droit de monter sur un âne ou sur une mule. C'est pas interdit. Parce qu'il y en a dans certains peuples, là, ils montent pas sur les animaux. Donc, c'est vrai que des fois, dans certains pays, il y a des mots du dialecte. Les gens savent pas que ça fait partie de l'arabe classique. Et ça vient de l'arabe classique. Donc, ardafa, comme tu dis, al-irdaf, c'est-à-dire, yani, quand tu montes avec quelqu'un sur une monture. Et, imaginez que vous avez le privilège d'être sur une monture avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas tout le monde qui peut, qui a ce privilège-là, Donc, sallallahu alayhi wa sallam, na'am. Exactement. Mu'adh ibn Jabal, il était très aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pas n'importe qui a ce privilège. Et le cheikh, il dit ensuite que ça montre le fadl Mu'adh. Ça montre le mérite et l'excellence de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. C'est vrai. Il y a un hadith dans lequel il dit « Ya Mu'adh inni uhibbuk » C'est-à-dire « Je t'aime, ô Mu'adh » Est-ce que c'était Mu'adh ou Abdullah ibn Mas'ud? Oui. Atadhakuna min diqqati saqayhi من دقة ساقيه فإنهما في الميزان أثقل من جبل أحد أي نعم رضي الله عنه أي نعم صحيح donc l'exemple de Mu'adh ibn Jabal ou l'exemple de Abdullah ibn Mas'ud, celui qu'on a mentionné tout à l'heure, qui avait rapporté la parole à propos du testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que les sahaba, lorsqu'ils ont vu la minceur de ses jambes, ils ont commencé à rigoler, parce qu'il avait des jambes très très très fines, très très minces, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit elles sont plus lourdes dans la montagne dans la balance que la montagne de Uhud. Donc on ne pèse pas la valeur d'un homme par son poids au jour de la résurrection. Le poids d'une personne va être déterminé par sa foi et sa croyance, Hein? En ce qui concerne Mu'adh ibn Jabal, eh ben, il a de grands mérites, et parmi les mérites, comme on a dit, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il l'aimait, et aussi, bon, le fait qu'il était compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a monté avec lui sur la mule. Et il dit donc, حيث كان رديف سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. Donc il était le compagnon de monture de la meilleure des créatures, Muhammad صلى الله عليه وسلم. وفيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه حيث إنه سيد البشر ويركب حمارا ويردف معه صاحبه رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم. Donc il dit et il y a comme bienfait, comme point bénéfique dans ce hadith-là, la modestie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le bon comportement de sa part, du fait qu'il était le maître des hommes et que malgré tout il montait à dos de mule, hein, à dos d'âne. Ça veut dire que il montait sur cet animal-là. Peut-être que quelqu'un va dire, hein, non, ça c'est pas un animal qui est assez prestigieux pour moi. Moi, je ne veux pas monter sur un âne, hein, je suis trop important. Non, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était modeste. Hein, mutawadi, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, par son bon comportement de modestie, il n'était pas orgueilleux ni fier. Et donc, il acceptait même de monter cette monture modeste. Et même, il acceptait de monter avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un va dire, non, moi, je ne monte pas avec quelqu'un, je monte tout seul. Hein? J'accepte pas d'accepter d'avoir un passager avec moi. Non, il acceptait même de monter avec quelqu'un et il laissait quelqu'un monter avec lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit فَقَالَ لِي يَا مُعَاذ فَقَالَ لِي يَا مُعَاذ هَذِهِ هِيَ الدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ فَالْعَالِمُ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ الْأَفْرَادُ وَالْجَمَاعَاتُ وَيَسْتَغِلُّ الْفُرَصُ. Donc il dit que quand Mu'adh radiyallahu anhu est monté à Dodan avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Oh Mu'adh !» Et ça c'est un appel, il est en train de l'inviter à Allah et de l'appeler à Allah. Et donc ça montre que le savant ou la personne de science, elle doit appeler à Allah et inviter les individus et les groupes à Allah et de profiter des opportunités. Profiter des opportunités qui se présentent pour appeler les gens à Allah et les inviter à Allah. Donc, la da'wa, c'est pas uniquement dans certains contextes, hein, comme certains parfois, ils s'imaginent que la da'wa, c'est juste, par exemple, pendant le dars, ou sur le mimbar, hein, dans la mosquée. Non, la da'wa, ça peut être dans une situation anodine, hein, comme ça, où tu roules avec ta voiture et tu as un passager qui monte avec toi et toi tu profites de l'occasion pour l'appeler à l'islam, pour l'appeler à la sunna, pour lui appeler à faire quelque chose de bien, hein, pour lui rappeler d'Allah. Donc tout ça c'est des occasions pour faire la da'wah à Allah. Il n'y a pas un contexte spécifique ou particulier limité, hein, pour faire la da'wah. Et donc c'est sûr que il y a des occasions qui sont plus propices et plus intéressantes ou plus faciles, hein, pour faire la da'wah, mais ça ne veut pas dire que ça se limite uniquement à ces contextes-là. Ça peut être dans d'autres contextes aussi. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui parce que là c'est la salat dans 10 minutes. Donc on va prendre on va s'arrêter à ce point-là, puis on continuera au prochain cours inshallah la suite de ce sujet بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.